grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle. Les yeux de la blanche colombe ont bavé. Acide sulfurique sous mon cœur a suinté. Le manège a encore une fois démarré. Tout ça parce que d'un regard t'as kiffé. Cannibalisme mental pour changer qui tu es. La blanche colombe commence à se déplumer. Alors peut-être que tu vois ça comme un tour de roue, mais n'oublie pas que la roue peut tourner. Alors pour éviter de tout dérailler, huile tes paroles avant de déblatérer. Ne pense pas que la solution soit la fellation, pour que les problèmes s'en vont au plus profond. Un jour viendra facial de vérité, fin du manège, attraction terminée. Grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle. Grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle. Et ouais, mes textes tournent autour des mêmes sujets, parce que mes chaînes de pensée m'ont fait prisonnier. Processus naturel pour se faire pardonner, une montagne d'erreurs à me faire excuser. Dans ma tête, je prends de l'altitude, espérant la paix dans ma solitude. Ça commence par bail, ça finit par paille. Tête dans les nuages et le cœur sur la lune. Parfois t'as juste envie de t'éloigner de tout, t'as juste besoin de tout remettre en question. Tu ne bouges pas de la salle d'attente, période éphémère qu'on appelle la détente. Dans le fond du tunnel, à l'aveuglette, mes rêves en sablé tournant comme une disquette. Donne pas ta confiance à n'importe qui, le diable a commencé par le paradis. Grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle. Grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle. Grimpe dans le manège, dans ce jeu enfantin, séquestré sur ce siège, dans cette boucle sans fin. Des tours après des tours, des cycles éternels, plus loin de jour en jour, ma nuit devient mortelle.